إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'étude du livre « L'explication de la parole de l'unicité » de l'éminent savant, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Je vous le demande par Allah, ô mes frères, attachez-vous fermement au fondement de votre religion. Et le fondement par lequel cette religion débute et se termine, sa base et son point culminant, est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, recommande de s'attacher fermement au fondement de cette religion. Et cette recommandation est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de nous attacher fermement au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit par exemple dans Surat Ali Imran: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne également cette recommandation, comme dans le hadith d'Al-Ibad ibn Sariyah, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et certains savants d'antan ont même commencé leurs épîtres par cette recommandation, comme ce fut le cas de l'imam Ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son poème intitulé Al-Ha'iyya. Il dit au début de celui-ci: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Attache-toi fermement au câble d'Allah et suis la guidée. et ne sois pas un innovateur. Peut-être tu réussiras. Et la recommandation de l'auteur nous indique l'importance de donner un grand intérêt au fondement de cette religion. De ce fait, les savants de la Sunna ont toujours appelé les musulmans à étudier ces fondements et à les maîtriser. Et le fondement le plus important est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, l'auteur a précisé cela lorsqu'il dit: Et le fondement par lequel cette religion débute et se termine, sa base et son point culminant est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le musulman doit donner une importance particulière au tawhid. Il doit commencer par le tawhid dans l'apprentissage, dans le prêche, dans l'enseignement et autres. Et malheureusement, certains n'ont pas compris ce principe. Par exemple, dans l'apprentissage, ils vont donner la priorité à d'autres sciences, telles que la grammaire, les fondements de la jurisprudence ou la science du hadith. Et ils vont donner que très peu de temps au tawhid, voire pas du tout. Et ceci est une erreur manifeste. Également, nous retrouvons cela dans le prêche de certains individus qui s'affilient à la science religieuse. Tu ne les verras pas appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne les verras pas enseigner des livres tels que les trois fondements, les quatre règles, les annulatifs de l'islam et autres. Car selon certains d'entre eux, s'ils venaient à enseigner le tawhid, les gens n'assisteraient pas à leurs cours. Et selon d'autres, la communauté a plus besoin de rappels sur certains fléaux, tels que la musique, le mauvais comportement, la fornication et autres. Et cet argument est bien évidemment erroné et dénué de preuves tangibles. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le prêche des meilleurs enseignants et éducateurs. Et malgré que leur peuple commettait de graves péchés, ils n'ont pas commencé par les mettre en garde contre ces péchés, mais ils ont plutôt commencé par les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos du prophète Shu'aib alayhi salam: Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khayr wa inni akhafu alaykum 'adhab yawmin muhit. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas de divinité véritable en dehors de lui. Ne diminuez pas la mesure et le poids, car je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous un jour dont le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Malgré que le peuple de Shu'aib alayhi salam trichait dans la pesée, il n'a pas commencé par les mettre en garde contre ce péché, mais il les a plutôt appelés au tawhid, puis par la suite, il les a mis en garde contre ce péché. Et ceci est la voie des savants éducateurs. Et quiconque donne une grande importance au tawhid dans son apprentissage, Allah bénira son apprentissage. Et quiconque base son prêche sur le tawhid et la mise en garde contre le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala bénira son prêche. Et nous avons un très bon exemple avec le prêche de l'auteur, Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, car son prêche était basé sur les tawhid et la mise en garde contre le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni son prêche, de telle sorte que ses livres sont enseignés dans le monde entier. Et tu ne trouveras pas une personne, en règle générale, qui s'affilie au pieux prédécesseur sans qu'il n'ait au moins lu ou étudié un de ses livres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur nous dit, apprenez sa signification, aimez-la, aimez ceux qui la connaissent et qui l'appliquent, et considérez-les comme vos frères, même si la distance qui vous sépare est grande. Mais croyez en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, prenez-les comme ennemis, et ne les aimez pas, n'aimez pas ceux qui les aiment, qui débattent en leur faveur, ou qui ne les considèrent pas comme mécréants, ou ceux qui disent qu'ils n'ont pas apporté de jugement sur eux, et qu'Allah ne leur a pas demandé de s'occuper d'eux. Certes, celui qui dit cela a menti sur Allah et proféré un mensonge. Allah l'a chargé de quelque chose les concernant, mais croire en eux et se désavouer d'eux, même s'ils sont leurs frères de sang ou leurs enfants. Ici l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, recommande aux musulmans d'apprendre la signification de la parole de l'unicité. Car en vérité, ignorer sa signification est la cause de beaucoup de troubles. Par conséquent, le musulman doit apprendre sa signification, ainsi que ce qu'elle implique. Et parmi les choses qu'implique cette parole, il y a l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire qu'il faut aimer ceux qui appliquent cette parole, les secourir et se rapprocher d'eux, tout comme il faut mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se désavouer de ceux qui les adorent, car le shirk n'est pas venu tout seul. Il a certes des adeptes qui le commettent et le propagent. Par conséquent, il faut se désavouer d'eux ainsi que de leur polythéisme. Ensuite, l'auteur nous dit, encore une fois, je vous le demande par Allah, accrochez-vous à cela, car il se peut que par cette cause, vous rencontriez votre Seigneur sans lui associer quoi que ce soit. Ici, l'auteur vient appuyer sa recommandation précédente, en réitérant sa demande de s'accrocher au tawhid. Et il mentionne que s'accrocher au tawhid est une cause pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui avoir associé quoi que ce soit. Et ceci, chers auditeurs, est l'un des nombreux mérites du tawhid. En effet, celui qui s'accroche au tawhid en l'étudiant en détail, et en lui donnant une grande importance, il est fort probable qu'il meure sans avoir commis de shirk. Quant à celui qui ne donne que très peu d'importance au tawhid, il est probable qu'il tombe dans le shirk sans même s'en rendre compte. C'est pour cela qu'il est probable que certains prêcheurs qui ne donnent pas beaucoup d'importance au tawhid prononce des paroles qui sont du shirk, sans même s'en rendre compte, comme la parole suivante qui a été prononcée par l'un d'entre eux. Il dit, je cite, « On est dans une époque où chacun doit se demander des comptes à lui-même, et chacun doit faire un examen de conscience, et chacun doit dire « Excuse-moi, ô messager d'Allah ». Il faut présenter ses excuses au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Fin de citation. Et cette parole est tout simplement du shirk. Comme l'a mentionné l'éminent savant Achir Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Car c'est une invocation. Et il est interdit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est connu. Ainsi, celui qui ne donne pas une grande importance au tawhid tombera probablement dans le shirk sans s'en rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit par la suite: ô Allah, fais-nous mourir musulmans et rejoindre les vertueux. Ici, l'auteur, rahimahullah, rahmatan wasi'a, invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir ainsi que les croyants sur l'islam et de rejoindre les vertueux. Et ceci est l'un des procédés des savants. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver et de les faire mourir sur l'islam. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges, comme dans le verset 120 de sourate les abeilles, lorsqu'il dit: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahim était un guide parfait dans le bien, soumis à Allah, pur, monothéiste, et il n'était point du nombre des polythéistes. Et malgré qu'il a cassé les idoles et s'est désavoué de son peuple, il invoqua quand même Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver du shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 35 de sourate Ibrahim: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et lorsqu'Ibrahim dit: Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est le meilleur des prophètes et qu'il sera le premier à rentrer au paradis, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur sur la religion. L'imam At-Tirmidhi rapporte, d'après Shahr ibn Hawshab, qu'Allah l'agré, qui a dit: j'ai dit à Ummu Salama, qu'Allah l'agré, quelle est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus lorsqu'il était avec toi? Elle répondit radiallahu anha: celle qui disait le plus était: ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Quant à l'ignorant, il se sent à l'abri, et de ce fait, il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'ignorant, il se sent à l'abri et ne demande pas forcément à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Ensuite, l'auteur nous dit: terminons ces paroles par un verset qu'Allah mentionne dans son noble livre, qui montre que la mécréance des polythéistes de notre époque est plus grave que la mécréance de ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Puis l'auteur dit: vous avez entendu qu'Allah subhanahu dit en parlant des mécréants que lorsqu'un mal les touche, ils délaissent leurs seins et leurs chouyours et ne les implorent pas pour obtenir le secours. Ils dirigent leurs invocations vers Allah seul sans associer, et c'est lui seul qu'ils implorent. Puis quand viennent les moments d'aisance et de prospérité, ils commettent le polythéisme. Quant aux polythéistes de notre époque, avec probablement parmi eux Celui qui prétend être un savant, un ascète, faisant des efforts dans l'adoration, tu les vois quand le mal les touche se tourner vers autre qu'Allah pour demander le secours, comme Ma'rouf ou Abdul Qadir al-Jilani, ou encore vers plus noble que cela, tels que Zayd ibn al-Khattab et Zubayr, ou encore plus noble que cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pire que cela en termes de péché, ceux qui implorent le secours des tawarites, des mécréants et des diables, comme Shamsen, Idris, Younous et leurs semblables, et Allah est plus savant. Ici, l'auteur finit son épître par mentionner quelques différences entre les premiers polythéistes et ceux de notre époque. Parmi eux, le fait que les premiers polythéistes associaient dans l'aisance et vouaient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans la difficulté. Quant aux polythéistes de notre époque, leur association est permanente dans l'aisance ainsi que dans la difficulté. Et certains savants nous disent que leur association est même plus intense dans la difficulté. Également, le fait que les premiers polythéistes vouaient l'adoration aux pieux en règle générale, tandis que ceux de notre époque vouent l'adoration aux pervers et à certains mécréants. Et le shirk, qu'Allah lui fasse miséricorde, en a nommé certains connus à son époque, tels que Shamsen, Idris et Younous, qui étaient des gens pervers, qui furent adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à son époque. Et il n'a pas hésité, rahimahullah, à mentionner leur nom dans certains de ses livres, tels que dans son livre intitulé « Le dévoilement des ambiguïtés ». Puis l'auteur conclut son épître en disant « Les louanges sont à Allah, au commencement et à la fin, et qu'Allah prit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, ainsi que ceux qui l'ont suivi. Amin. »